Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, Sophie vous parle de l'application mythique pour les oiseaux. Je n'en sais pas plus, elle va nous dire ça juste après le générique. Comment ça va, Sophie ? Bah écoute, ça va, mais avec une intro pareille, j'imagine que ça va être... Je sais pas, tu t'attends à quoi exactement ? Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, honnêtement. Mais est-ce que... Et... Comment dire ? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose quand on a tout et n'importe quoi dans le monde des oiseaux ? Moi, je m'attends à ce que des scientifiques aient inventé une application pour que des poulets se retrouvent ensemble, enfin... C'est ce genre de choses, quoi. C'est... Oui. Pas tout. En fait, je suis sûre que ça m'étonnerait même pas. Mais je crois que ça a été inventé, en plus. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Ah ouais ? Si je dis pas de bêtises, ouais. Alors, c'est peut-être pas pour des poulets, mais c'est peut-être pour d'autres animaux. Ouais. Où je crois qu'on avait inventé une application comme, justement, les applications... De recherche de partenaires qu'on a sur Internet. Et il me semble que ça avait matché entre deux animaux. C'était pas pour les pandas, lesquels. Plus Ah, peut-être pour les pandas. Ouais, parce qu'il me semble me souvenir d'un truc du style, mais alors pas pour des oiseaux, ça devait être pour des pandas, parce que justement, on avait du mal à les faire se reproduire en captivité. Et donc, il a fallu trouver des... Des subterfuges. Bah, des couples qui fonctionnent. Ils étaient même partis pour faire passer du porno panda dans les... dans les enclos des pandas en captivité pour les faire sortir. Incroyable. C'était bon, terrible. On va éviter quand même de rentrer dans les détails. Cette émission se veut quand même tout public. Alors avant de parler de Mythique, parce que je ne sais absolument pas de quoi tu vas parler, Sophie, je vais commencer par vous parler de l'ibis chauve. Magnifique oiseau, tout de noir vêtu, de jaïs vêtu même. Et c'est un oiseau, malheureusement, qui a disparu du continent européen il y a environ 400 ans. Alors, disparu, oui et non, parce qu'on peut toujours le voir en transit de notre côté, en migration. On va avoir l'occasion de revenir là-dessus. Et puis, vous avez aussi énormément d'individus qui sont maintenus en captivité, notamment en Allemagne, en Autriche et en Suisse. On compte environ 1000 individus qui sont encore en captivité, pour vous donner une petite idée. Mais depuis 2000, un biologiste autrichien assez fou, du nom de Johannes Fritz, a décidé d'accompagner les ibis chauves qui étaient jeunes dans leur traversée migratoire. Et donc, avec un petit avion ultra-léger qu'il a modifié pour faire en sorte que les vitesses soient suffisamment basses pour qu'ils puissent suivre les ibis chauves, eh bien, il amène les ibis d'un point A à un point B de leur migration. Incroyable, hein ? Incroyable. C'est terrible. C'est terrible. Ça fait... Alors, je sais pas si je peux t'interrompre là tout de suite, mais ça me fait penser tout de suite là, à un film. C'était Le Peuple Migrateur, il me semble, hein, c'est ça ? Où là, c'était des oies. Alors, il n'y a pas que Le Peuple Migrateur. Je ne sais pas comment s'appelle le... Alors, il y a un film qui ne s'appelle pas Le Peuple Migrateur, mais effectivement, il y a quelque chose qui est dans la même veine. C'est Fly Away Home, qui parle effectivement de bernache du Canada. Et c'est un film inspiré d'une histoire vraie, celle de Bill Leishman et de Bill Carrick. Bill Leishman, c'est un pionnier dans l'aviation ultralégère au Canada. Mm-hmm. Bill Carrick, c'est un naturaliste qui travaillait sur le mode empreinte chez les oiseaux, mode notamment étudié par Conrad Lorenz avec, à nouveau, les oies. Et donc, à la fin des années 80, Leishman a contacté Bill Carrick pour qu'il lui donne des oiseaux. Pourquoi ? Parce que la volonté de Carrick était de voler avec des oiseaux, et plus précisément, par la suite, eh bien, de leur faire apprendre à migrer tout seul, juste dirigé justement par un petit avion. Donc, ce projet a eu un petit peu de mal à démarrer, et en 1993, eh bien, la toute première migration d'oiseaux dirigés par un avion a été réalisé. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'habitat était très fortement perturbé de ces oiseaux et que ces oiseaux n'étaient tout simplement pas capables de retrouver la route migratoire qu'ils avaient l'occasion de prendre habituellement. Donc, en octobre 93, Leishman a décidé donc de décoller de sa ferme de Toronto à bord de cet avion avec 18 oiseaux. Et au mois d'avril suivant, les oiseaux bagués sont revenus sans l'aide de Leishman à la ferme. Comme point d'arrivée de leur migration. Et ça a inspiré un film qui s'appelle Fly Away Home, qui date de 1996. Et donc ce film, bah, il a inspiré notre cher ami Monsieur Fritz, qui s'est lancé un défi, c'est de faire la même chose avec des ibis chauves à partir de 2000. Alors au départ, on s'est énormément moqué de lui, on s'est dit non mais le mec il est complètement fou, il va jamais y arriver. Et en 2004, trois ans après quelques ratés, eh bien, il a conduit la première volée de l'Autriche vers l'Italie avec quelques ibis qui étaient avec lui. Et au cours la période, donc jusqu'à 2024, ce sont pas moins de 275 ibis qui ont été amenés sur leur route migratoire. D'accord. Mais il y a encore plus intéressant, Sophie, parce que comme tu le sais sans doute mieux que moi, les routes migratoires changent. Et comme ce sont des individus qui sont très jeunes, eh bien, ils sont beaucoup plus sensibles au changement de ces routes migratoires. Et il s'est avéré qu'en 2023, il a fallu changer la route migratoire, tout simplement parce que, eh bien, lorsque Fritz a suivi la progression des ibis, il a remarqué que trois colonies avaient tenté de traverser les Alpes sans succès. Donc du coup, ils ont récupéré les individus et ensuite ils les ont gardés de leur côté en captivité pour éviter justement qu'il y ait des pertes. Et il y a des individus, cette fois-ci sauvages, puisqu'il y a une transmission par la suite des routes migratoires, qui s'étaient arrêtés donc sur un endroit où ils avaient l'habitude d'hiverner, ou en tout cas de faire une halte migratoire. Mm-hmm. Et il s'avère que cet endroit avait été recouvert de neige et gelé. Et donc les animaux ne pouvaient tout simplement pas se nourrir. Ah mince. Et donc, du coup, il a fallu à nouveau changer tout ça. Et cette route migratoire donc a été changée en 2023. Et cette route migratoire a été également changée en 2024. L'objectif étant d'atteindre l'Espagne, qui est en gros une aire d'hivernage pour ces oiseaux. Parce que oui, on l'a pas dit, je vous ai dit que l'oiseau était peu présent en Europe, il était éteint même en Europe. Si vous allez sur le site de la liste rouge de l'IUCN, vous allez pouvoir constater l'aire de répartition de cet oiseau, et notamment le fait qu'il est éteint dans certaines parties de son aire de répartition, notamment au Maroc et en Algérie. Et au Maroc, on avait notamment une grande colonie qui était installée, qui demeure encore un petit peu, mais qui a fini par disparaître au fur et à mesure du temps. On suppose que c'est dans les années 90 qu'elle a disparu, mais on a encore quelques signalements et on n'est donc du coup pas trop sûr de ce qui se passe réellement. Ah oui. D'autant qu'on a une présence qui est incertaine du côté de la Mauritanie et du sud du Maroc. Donc là, on se dit qu'il y a peut-être effectivement des oiseaux qui passent, mais on ne sait pas s'ils sont résidents, s'ils sont nicheurs ou autres. Et de l'autre côté de l'Afrique, complètement de l'autre côté, vous allez au Yémen, en Arabie Saoudite, et vous allez également en Irak jusqu'en Cisjordanie. Là, vous allez retrouver effectivement une aire de répartition qui scie davantage à l'oiseau, avec un oiseau qui a néanmoins disparu dans la partie nord de son aire de répartition. Et une présence qui est un petit peu attestée dans la corne de l'Afrique. On ne sait pas spécialement trop si cet oiseau est présent, mais en tout cas, on a possiblement une présence en Éthiopie et dans une toute petite partie de la Somalie. Et donc, pour rejoindre leur aire d'hivernage, qui est donc en Espagne, eh bien, les oiseaux qui partent d'Autriche doivent traverser les Alpes ou faire un long détour. Et c'est justement une des routes qui a été privilégiée lors de l'année 2023 et lors de l'année 2024. Ils sont effectivement passés par l'Italie pour rejoindre justement l'Espagne et plus précisément le sud de l'Espagne pour un itinéraire donc d'environ 2800 km. Et cette année, l'itinéraire prévu est de 2200 km. Donc ce sera un itinéraire un petit peu plus rapide pour les oiseaux, pour un total de vol d'environ 18 à 20 jours selon le site où le projet eh bien, est noté, puisqu'il y a un site, c'est le Wildrap Team qui s'occupe donc de ce projet. C'est un projet donc piloté depuis 2022. En tout cas, il a obtenu à nouveau donc son agrégation depuis 2022 et c'est un projet qui tiendra jusqu'à 2028. Et en plus de Johannes Fritz, eh bien, il y a deux autres personnes, deux jeunes femmes qui s'occupent de ce projet. Et aujourd'hui, Fritz s'occupe surtout de la sécurité d'encadrer justement eh bien, les migrations et aussi les femmes qui sont engagées dans ce projet. Voilà pour l'incroyable aventure de Monsieur Fritz qui, avec son équipe, va guider cette année eh bien, 38 oiseaux. Donc 38 oiseaux qui partent début octobre et qui arriveront aux alentours de mi-octobre, troisième semaine d'octobre, voire fin octobre si les conditions sont compliquées. Eh ben, ah, incroyable, c'est un sacré périple quand même, hein, quand on y c'est pense. C'est un sacré périple et ça met en évidence quelque chose, c'est que, eh ben, et tu vas pouvoir le confirmer Sophie, c'est que ces oiseaux ont besoin absolument d'avoir le contact avec d'autres individus de leurs espèces pour pouvoir mener à bien leur migration. Effectivement, tout n'est pas forcément basé sur l'instinct. Il y a besoin d'un apprentissage et cet apprentissage se fait grâce aux adultes qui sont présents et qui peuvent aider les jeunes à apprendre les routes migratoires qui vont varier effectivement, comme tu l'as dit, en fonction des conditions climatiques, en fonction de ce qui va se passer autour. On l'a vu, ça varie aussi en fonction des conflits que les humains peuvent avoir autour. Absolument. Voilà, donc toutes les conditions, tout l'environnement va faire varier ses routes migratoires, mais mine de rien, il va falloir que le jeune oiseau apprenne avec le groupe par où passer. Du moins, on suppose hein, pour l'instant que c'est comme ça. Il y a évidemment une part d'instinct, mais tout n'est pas instinctif. Effectivement. Et puis, comme tu le précisais, il y a énormément de dangers qui s'imposent sur les routes. Il y a parfois des retours sur les routes migratoires, ce qu'on appelle les rétromigrations. Grosso modo, l'oiseau va revenir en arrière si il sent effectivement qu'il y a un danger. Alors, ça peut être un danger temporaire, comme par exemple une tempête. Ça peut être un danger permanent, comme par exemple un passage d'éolienne ou ce genre de choses-là. Donc, il va y avoir aussi cette notion de retour en arrière. Et tout ça va consommer de l'énergie parce que ces oiseaux ont besoin effectivement d'emmagasiner de l'énergie pour réaliser leur migration, mais au fur et à mesure de la migration, cette énergie va être perdue et il faut évidemment la regagner quelque part, d'où les haltes migratoires. Et si, comme dans l'exemple que j'ai cité, vous n'avez pas de nourriture aux haltes migratoires, et ça peut s'avérer très très compliqué. Donc voilà, la migration c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que juste des individus, des oiseaux ou d'autres animaux d'ailleurs qui se déplacent du nord au sud ou du sud au nord en fonction de la période de la saison. Et oui, ils vont pas juste prendre un billet d'avion et puis prendre l'avion et puis basta. Je pense que certains s'en contenteraient largement honnêtement du billet d'avion. Certainement. À certains qui se contentent du bateau quand même. Hein. C'est vrai qu'il y en a qui se posent des fois sur les bateaux pour se reposer quand ils ne trouvent pas de terre à proximité. C'est arrivé. Absolument. On a beaucoup de marins qui racontent ce genre d'expérience où ils ont vu un oiseau complètement crevé atterrir finalement sur leur bateau. À ce stade-là, l'oiseau, de toute façon, il n'en a plus rien à faire qu'il y ait des humains à côté. De toute façon, il se pose. Et puis, c'est tout. Et souvent, les marins sont assez étonnés de les voir. Et bon, l'oiseau, il repart une fois qu'il va un peu mieux. Et puis voilà. Mais c'est marrant de... Enfin, c'est marrant. C'est intéressant d'avoir cette expérience, de se rendre compte que, oui... Ces animaux ont besoin de se poser de temps en temps. Et sur la route migratoire particulièrement. Alors, je profite pour terminer cette petite intervention de vous dire que on vous fournira bien sûr le site du projet dans la description. Si jamais vous habitez en Suisse, parce que j'ai déjà eu ce cas, quelqu'un m'a contacté sur Discord en me demandant quelle espèce d'oiseau c'était et il s'est avéré que c'était un ibis chauve. Si jamais vous avez la possibilité eh bien, de tomber nez à nez avec ces oiseaux, ils ont tous et toutes une bague qui leur permet justement d'être identifiés. Il suffit de vous rendre sur le site, de rentrer justement les données de votre observation, c'est-à-dire la date de votre observation, l'heure de votre observation et évidemment le lieu de votre observation avec le numéro de la bague correspondant eh bien, à l'individu en question. Et tout ça permet justement eh bien, de suivre de manière réelle le trajet des oiseaux. J'en parle parce qu'en France, ça ne se voit pas. Pas forcément, on a très très peu de trajets dits d'ibis chauves, bien qu'on ait de temps en temps quelques passages du côté notamment de Rhône-Alpes et puis bien évidemment les Alpes, puisque j'en ai parlé, et ça descend parfois jusqu'à la Méditerranée, peut-être un peu le Var et les Alpes-Maritimes. Mais si vous êtes en Suisse et que vous nous écoutez, que vous tombez face à cet oiseau, qui est assez facile à identifier, eh bien vous avez le site qu'on vous fournira dans la description pour aider la recherche, parce que c'est aussi comme ça qu'on aide la recherche, c'est aussi des découvertes fortuites. Exactement. Sophie. Oui. C'est quoi cette histoire d'application mythique pour les oiseaux? Je suis en train d'imaginer des choses, ça va être super, super simple. Oui, c'est assez simple. Bon, on va rester... Bon, la dernière fois, j'avais un sujet un petit peu plus touffu, on va dire. Cette fois-ci, j'avais envie d'un sujet un peu plus light. Donc, on va rester sur quelque chose d'assez simple. Mais mine de rien, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant, donc j'avais envie de le partager avec vous. C'est une nouvelle étude qui est sortie récemment, qui a été faite par l'université de McGill, donc au Canada, et qui s'est intéressée à un organisme modèle que vous connaissez certainement pas trop mal, qui s'appelle le zebrafinch en anglais, le diamant mandarin en français, qui est plus ou moins le pendant de la souris pour les mammifères. Hein. À ce niveau-là, on le connaît tellement, cet oiseau-là, que c'est tellement utilisé de par le monde comme animal pour les tests, pour l'ornithologie, que bon, on commence à bien connaître la bestiole. Et on a étudié notamment les champs du diamant mandarin. On a étudié plein de choses sur le champ du diamant mandarin. On a étudié comment est-ce qu'il apprend le champ. On a étudié, on a même trouvé un moment qu'il y avait des dialectes chez les diamants mandarins aussi. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont des accents, en quelque sorte, comme vous et moi. Si on parle une langue différente, il va y avoir un accent. Chose que vous pouvez retrouver dans la nature avec d'autres oiseaux. Hein. Le troglodyte mignon, par exemple, qui est très connu en France, possède aussi ce genre de dialecte. Les étourneaux aussi en possèdent. Exactement. Et donc, il y a eu une dernière étude là, qui est sortie très récemment, donc en août 2024, qui nous parle cette fois-ci du champ, mais sous un angle un petit peu différent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils ont pris des femelles donc de diamants mandarins, qui n'avaient pas encore été mises avec un mâle ou quoi, donc qui n'avaient pas encore décidé de jeter leur dévolu sur un partenaire particulièrement. Et ils les ont mises, alors au choix, soit dans une cage avec un mâle, soit dans une cage avec une autre femelle, mais elles pouvaient entendre dans ces cas-là des mâles, mais sans pour autant les voir. Alors vous allez me dire, où est-ce que ça conduit tout ça? Ben, en fait, c'est très simple. Une fois que ces femelles sont restées pendant un certain temps, donc avec les mâles ou alors avec les autres femelles en entendant les mâles, ils les ont récupérés et cette fois-ci, ils leur ont proposé une sorte de petit jeu. C'est-à-dire que dans leur nouvel enclos, elles avaient des petites tirettes sur lesquelles elles pouvaient tirer. Et en tirant sur la tirette en question, il y avait un son qui était produit qui, en l'occurrence, était un enregistrement d'un chant de diamant mandarin. Alors, soit pour les femelles qui avaient été mises avec un mâle, soit le chant du mâle avec qui elles avaient été... mises ensemble dans le même enclos précédemment, ou alors d'autres mâles qu'elle ne connaissait pas spécialement. Et pour les femelles qui, elles, avaient été mises en couple avec une autre femelle, et ben ils avaient aussi mis des chants de mâles. Alors, il y avait notamment un des mâles qu'elles avaient pu entendre lorsqu'elles étaient avec cette femelle, mais sans le voir, hein, on précise bien. Et puis d'autres mâles, tout à fait au hasard, comme ça. Et donc, elles avaient le choix de tirer pour avoir soit le son du mâle qu'elles connaissaient pour celle qui avait été mise avec un mâle, soit d'autres mâles qu'elles ne connaissaient pas spécialement, en sachant évidemment, comme on l'a dit précédemment, que tous les chants de diamant mandarin, même s'ils semblent très très très très proches pour nous à l'oreille, ce ne sont pas les mêmes. Tous les oiseaux ont des petites variations dans leur chant, hein, évidemment. Ça peut être trouvé d'ailleurs par l'intelligence artificielle. Il y a eu des tests qui ont été faits sur ce sujet il y a déjà quelques années, qui ont trouvé des changements dans les chants de ces jeunes diamants mandarins. Les mâles ne chantent pas tous de la même manière, donc les femelles sont capables de différencier les chants des mâles, et de savoir donc qui a chanté. Et alors, dans les conclusions de l'étude, ils se sont rendus compte, enfin dans les résultats de l'étude, plutôt avant de venir aux conclusions, ce serait mieux. Donc dans les résultats de l'étude, ils se sont rendus compte que les femelles qui avaient été mises en couple avec un mâle bien spécifique avaient plus tendance à aller rechercher le chant de ce mâle-là, plutôt que le chant d'autres mâles qu'elles ne connaissaient pas, et donc à tirer plus particulièrement sur la tirette qui reproduisait le chant du mâle en question, alors que les femelles qui, elles, avaient été mises dans la même cage qu'une autre femelle et qui avaient entendu un mâle régulièrement, mais qui ne l'avaient jamais vu, et ben elles, par contre, elles n'avaient pas de préférence spécifique pour ce mâle-là. Elles s'en fichaient un petit peu. Et donc c'est assez intéressant parce que en fait les auteurs donc concluent sur les préférences évidemment des diamants mandarins en fonction de leur environnement, ce qui est assez logique. Et pour les diamants mandarins, ils se disent qu'effectivement il y a non seulement la composante du chant qui va être importante pour que la femelle finalement reconnaisse l'individu, mais il y a aussi le fait de passer du temps avec l'individu en question qui fait que ils vont être plus tentés de retrouver le chant de cet individu en particulier, parce que peut-être qu'il y a une connexion qui s'est développée entre les deux, parce qu'ils étaient proches, et que le chant, visiblement, c'est pas la seule chose qui est importante pour ces oiseaux-là, pour arriver à établir une connexion. Donc on a tendance à penser que le chant, c'est un peu comme pour nous, quand on discute avec quelqu'un au téléphone, mettons qu'ils se voient pas, et qu'ils s'envoient le chant d'assez loin, en fait non, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils ont pas... Il n'y a pas la même connexion quand ils sont loin, que finalement quand ils sont face à face, quand ils sont proches et quand ils peuvent aussi communiquer par le langage corporel, par exemple. Donc il y a vraiment une dimension qui leur manque pour arriver à préférer cet individu dans ce cas-là. Alors je ne sais pas si dans l'étude ça a été fait, visiblement ça n'a pas l'air d'être le cas, sinon tu en aurais parlé, mais est-ce qu'ils n'ont pas fait l'expérience où on a justement le chant et une photo de l'oiseau ou l'oiseau qui est présent de l'autre côté, parce que tu parles justement de tisser des liens sociaux, mais est-ce que c'est pas juste le fait de voir l'individu, est-ce que ça aurait permis justement d'écarter l'hypothèse du c'est juste le fait de voir l'individu et pas uniquement le fait de tisser des liens avec lui. C'est une bonne question, en fait. Ils n'ont pas cherché cette partie-là, cette hypothèse-là. Peut-être que dans une prochaine fois, hein, je ne sais pas. Mais ils n'ont pas testé ce cas-là. Mais oui, c'est intéressant aussi. Mais je l'ai dit, finalement, là, on ne leur a pas demandé non plus d'avoir un lien spécifique avec cet individu-là. On les a juste mis ensemble, en fait. Et puis, on a vu ce qui se passait. Et en règle générale, rien que le fait de les mettre ensemble, pas spécialement de les faire se reproduire ou quoi que ce soit, juste les mettre ensemble, ça suffit à faire tisser des liens plus importants que juste écouter un individu qui était un peu plus loin. Et ça, c'est super intéressant, parce que ça montre non seulement qu'il y a le chant qui évolue au fur et à mesure du temps. Nous, on l'avait couvert avec Victor, notamment sur le bruant à gorge blanche, qui avait deux chants entre guillemets, et la femelle commençait à préférer le chant qui était plus novateur par rapport à l'ancien. Mais il y a aussi visiblement le fait de passer aussi quelques temps avec l'individu. Ça remet en cause pas mal de choses, notamment chez certaines espèces comme par exemple l'accenteur mouchet, où l'acte de reproduction est très rapide et on pourrait se dire peut-être un peu barbare, étant donné que les accenteurs mouchets se sautent dessus les uns sur les autres. C'est une vérité, hein. C'est vraiment comme ça que ça se passe chez les accenteurs. Les mâles ont plusieurs femelles et les femelles ont plusieurs mâles. Donc c'est assez intéressant de voir. Après, comme tu l'as précisé, c'est uniquement le cas du diamant mandarin, pas forcément. Oui, mais après oui, il faut voir si chez d'autres espèces peut-être. Mais ce qui était amusant, et c'est dans une de leurs conclusions, alors c'est une ouverture, hein. Après c'est pas non plus... voilà, mais ils essayaient de dire que finalement, ça ressemblait pas mal à nos relations actuelles aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes sur des applications comme des applications de rencontre comme Mythic ou autre, bah en fait, si vous avez jamais vu la personne en face et que vous contentez juste de discuter alors via, je sais pas moi, une application de messagerie X ou Y, ou alors par téléphone, bah en fait, vous n'allez pas tisser des liens très importants avec la personne. Vous allez commencer à tisser des liens avec la personne avec laquelle vous discutez à partir du moment où vous allez vraiment la rencontrer face à face. Et ça, finalement, c'est pas si éloigné de ce que les humains font, finalement. C'est marrant, comme on réagirait de la même manière nous-mêmes. Et je trouvais ça amusant, en fait, de retrouver ce même phénomène chez les oiseaux. J'aurais pas pensé vraiment, mais on dirait que ça, c'est plus ou moins la même chose. Donc, voilà. Après, moi, je n'étudie pas l'espèce humaine, hein, c'est pas mon truc. Mais il est vrai que, vu ce qu'on a vu, et notamment tous les problèmes qu'on a eu pendant le Covid avec l'isolement des gens, finalement, qui n'ont pas pu faire de rencontres, qui n'ont pas pu aller se balader pour vraiment rencontrer des gens face à face, on s'est rendu compte qu'il y a des problèmes psychologiques derrière dû à ça. Ben, on se rend compte qu'en fait l'interaction sociale directe, pas par écran interposé, pas par téléphone interposé ou quoi, c'est encore une interaction sociale finalement dont on a vraiment besoin pour connaître une personne et pour vraiment tisser des liens. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Ça prouve qu'il n'y a pas que nous qui sommes dans ce cas-là. Clairement, c'est quelque chose qui a l'air d'être assez commun dans le monde animal, si même les oiseaux, qui ne sont pas des mammifères, on le rappelle, ont besoin des mêmes choses pour arriver à tisser des connexions avec les autres membres de leur espèce. Et oui, les femelles donc ont besoin du champ, mais ont surtout besoin du premier rendez-vous pour savoir si elles vont choisir ce mâle en question. Est-ce qu'il est sympa ? Est-ce qu'il a de beaux yeux ? Je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'il va prendre ? Qu'est-ce qu'il va prendre en premier repas ? Va-t-il me céder son poisson ? Son petit verre ? Va-t-on prendre un verre ensemble ? Qui sait ? Ah, c'est une belle... c'est un beau trait d'esprit. Et c'est justement sur ce trait d'esprit que nous allons nous quitter. Merci Sophie pour ce nouvel épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Eh bien, merci à toi Florian. Vous me retrouvez sur Twitter @leplumeux, sur Instagram @leplumeux aussi, et sur YouTube sur la chaîne Entracte Science. Voilà. Et vous nous retrouvez, chers auditeurs, chères auditrices, en streaming sur toutes les plateformes, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, on est sur PodCloud, on est sur Podcast Addict parce que j'ai appris que Podcast Addict apparemment c'était trop bien, donc on est aussi sur Podcast Addict, rassurez-vous. Non mais c'est trop bien. Si... Ah bah écoute, je sais pas, quelqu'un m'a dit Podcast Addict c'est meilleur que Apple Podcast, j'ai fait pas très bien. on est sur YouTube également, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par ce moyen, on y répondra avec grand plaisir. Et si vous avez apprécié cette émission, si vous avez apprécié cet épisode, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à toutes. À plus.